rien pour devenir une légende. Ce que l'on devient parti d'un choix à défendre. Protège tous mes rêves par le port d'un scaphandre. Vacciné de chute, j'ai appris à descendre. Tout peut arriver, une espèce adaptable, nourrie d'une culture enrichie par une force cyclable. Traverse un immense, c'était presque invivable. À travers les temps, même à terre, garde ce que j'ai intouchable. Je me fixe, des buts inatteignables. Un devin si tu l'ouvres sur mon art, dis-moi si tu vois le tableau. Logique, au-delà du raisonnable, l'éclosion de mes idées ne peuvent que se voir derrière un hublot. Je suis le comble du ciel qui cherche un plafond. Si le chemin est long, tout comme Sléo, je viens des bas-fonds. Je fais que plein esthétique, c'est mon bélo, je suis à fond. Brand new, le fact, en exigeant qu'il n'y avait pas eu un fond. Intouchable, on fait un comeback. Retour en arrière et tous les gens sont d'accord. Branche ton casque, facteur X comme à l'époque, je viens te mettre une claque. Chanter comme ça n'est pas permis. Bonne musique jamais ne ternit. Camus, Django, Jack, Olcari. Yeah, yeah. Ce qui ne me tue pas, je vous jure, nous rend plus forts. Je me permets de vous le dire 12 ans plus tard. Devenu des intouchables, un appétit redoutable. Une amitié véritable, intouchable, intouchable. Voir ma life défiler, briller, une belle étoile filante. Attiré par le bonheur comme d'une belle robe moulante. J'ai pris plus d'une balafre, je n'imagine pas la fin. Je vis le truc avec panache, pour moi le truc cool comme as. J'ai ma famille, j'ai mes gamins. J'ai traversé les drames marqués par les années armées d'un cœur brave et cérébral. Sur ma feuille je jette toute l'encre. Intouchable comme cet homme heureux qui nous sourit sur sa chaise. Roulant dans les yeux, je mate la réalité. Teste ma qualité de vie, tellement simple. T'aurais pas idée de me qualifier de VIP. Je crache toute cette fumée et mes yeux se ferment. Puis le soleil se couche sur moi comme dans un western. Intouchable négro. Donc j'espère que je fais bonne route, que la volonté de Dieu me laisse faire. Diviner la symphonie, vénérer la caisse claire. Délivrer à des inconnus, rime avec mes vrais frères. Intouchable, on fait un comeback. Retour en arrière et tous les gens sont d'accord. Branche ton casque, facteur X comme à l'époque, je viens te mettre une claque. Chanter comme ça n'est pas permis. Bonne musique jamais ne ternit. Camus, Django, Jack, Olcari. Yeah, yeah. Ce qui ne nous tue pas, je vous jure, nous rend plus forts. Je me permets de vous le dire 12 ans plus tard. Devenu des intouchables, un appétit redoutable. Une amitié véritable, intouchable, intouchable. Je suis et je reste intouchable. La musique a touché ma raison. Je suis prêt à plaider coupable pour chanter ma douleur de saison. En saison, je représente, je résiste. Et ce que je prends, je le mérite. Je suis intouchable, mais tu le sais.